On va parler de Jeux paralympiques. Il y a un grand athlète qui a pris sa retraite la semaine dernière, c'est Benoît Huot. Benoît Huot qui a remporté 20 médailles, dont 5 d'or, et 9 d'or plutôt, dans 5 Jeux paralympiques. Et question de savoir un peu comment il se sent maintenant, un nouveau retraité. On lui parle. Salut Benoît. Salut Dani, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Benoît, j'ai parlé avec des athlètes juste avant les fêtes. J'avais parlé avec Alexandre Wozniak. Et elle, ce qui était dur pour elle, c'était de dire c'est terminé. Est-ce que c'est la même chose avec toi ou c'était mûrement réfléchi là? Ouais, ça fait plusieurs mois là, que je préparais la transition. J'ai essayé du mieux que je le pouvais de préparer ce moment-là. Mais bon, c'est quand même 20-25 ans de compétition de haut niveau, alors c'est jamais des décisions faciles à prendre. Mais je sentais que le moment était opportun, était venu, puis j'avais réalisé mes objectifs sportifs. Et tu me disais que je t'écoutais dans une autre entrevue que tu as donnée au 98.5 dire que c'était tu avais peur que tu ne serais pas compétitif et c'est pour ça que tu as arrêté. Moi, je trouve ça sage parce que souvent, tes athlètes, c'est souvent ça le problème. C'est de tirer sa plug puis de dire c'est terminé, on passe à autre chose. On se rappelle plus nécessairement de ce qu'il a fait, mais on se rappelle quand ça traîne. Moi, je trouve ça très sage, la décision, là. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais, je pense que j'aurais pu faire l'équipe canadienne puis reparticiper aux Jeux paralympiques à Tokyo en 2020, mais une fois que j'ai constaté que j'aurais été là plus comme un participant et non pour la compétition, ben je pense que c'était le temps de passer le flambeau et d'accrocher le speedo. OK. Benoît, si on parlait un peu justement de ton meilleur souvenir, c'est quoi? Ben, il y en a plusieurs, hein. Ça a été une longue carrière sur 20 ans, mais je pense que représenter le Canada, porter la feuille d'érable pour la première fois, rentrer dans le stade paralympique à Sydney en 2000 et entendre le Canada, c'est là que j'avais compris que je réalisais mon rêve. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a toutes les médailles sont particulières les unes les autres, mais ce moment-là, la première fois que je participais aux Jeux paralympiques à la cérémonie d'ouverture dans le stade à Sydney, c'était assez magique. OK. Est-ce que tu dirais qu'année après année, olympique après olympique, ça s'améliorait, les paralympiques? Oui, vraiment, ça, c'est une grande évolution dans les dernières années. C'est ce qui me rend le plus fier d'ailleurs, là, je pense. Oui, les médailles individuelles, c'est bien le fun, mais d'avoir vu le mouvement évoluer puis grandir dans les 20 dernières années, au moment où je prends ma retraite, c'est le mouvement, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été dans une aussi bonne position. Alors ça, c'est. Ça fait chaud au cœur, puis bon, il y a encore du travail à faire, mais disons qu'on est dans une meilleure position qu'on l'a jamais été. OK. Est-ce que c'est difficile? Écoute, c'est difficile pour un athlète, j'imagine, au niveau financier, d'un athlète olympique normal que tout le monde suit, qu'il y en a beaucoup qui vivent sur le seuil de la pauvreté parce qu'ils ont de la misère à se trouver des commanditaires, mais j'imagine qu'un athlète paralympique, c'est encore pire. Ouais, c'est pas facile. Bon, il y a eu de plus en plus d'investissements dans les dernières années, mais c'est un défi en soi, qu'on soit olympique ou paralympique. Un athlète, c'est pas, tu feras pas, ben, athlète amateur, là, bien sûr, là, ça va être difficile de faire ta vie avec ça. Et il faut préparer la transition, faut avoir une après-carrière. Puis on le fait aussi pour la passion. Alors, c'est sûr qu'on essaie, parce que tu sais, c'est pas nécessairement pour bien vivre, mais ou être financièrement aisé, c'est plus pour parce que quand on n'a pas une sécurité financière, disons que l'athlète a de meilleures chances de bien performer et de remporter, et réaliser ses objectifs et remporter des médailles. Alors, c'est surtout ça l'objectif, c'est qu'en ayant des partenaires privé, en ayant les gouvernements qui investissent dans le sport, ben ça donne l'opportunité d'aller chercher de meilleurs résultats sans nécessairement en créer une certaine fortune. Ouais. Vous avez beaucoup plus de. Vous avez. Un athlète olympique a beaucoup de mérite, mais un athlète paralympique vit avec son handicap. Vous avez encore plus de respect selon. Vous avez encore plus de mérite. Je ne dis pas que l'athlète olympique n'a pas de mérite, mais c'est parce que vous vivez avec un handicap, là. Ça demande beaucoup d'efforts, de sacrifices, et ainsi de suite, encore plus, là. Oui, c'est sûr qu'il y a des défis en soi avant même d'être un athlète. Puis il y a aussi une histoire qui vient parallèlement à la vie d'athlète. Chaque athlète, qu'on soit encore une fois olympique ou paralympique, on a tous nos histoires à partager, mais je pense que ce qui est beau et ramène le sport à une certaine perspective dans le sport paralympique, c'est tous les défis auxquels l'athlète a dû faire face avant de devenir un athlète de haut niveau, que ce soit un défi d'un handicap de naissance, ou un handicap suite à une maladie ou un accident. Il y a beaucoup plus que le sport. Alors, le côté humain est très, très fort. Et puis, c'est à nous de partager des histoires inspirantes de nos athlètes pour continuer à éduquer les gens et à faire grandir le mouvement paralympique. OK. Mais justement, tu as parlé que le mouvement paralympique a grandi. Du côté des médias, c'est plus ou moins couvert. Est-ce que ça devient frustrant à un moment donné? Ouais, c'est de mieux en mieux, mais oui, effectivement, c'était une frustration au début. C'est la même chose, c'est quand on était à la Sydney en 2000, il n'y avait pas de couverture médiatique. Donc, tu sais, on essaie toujours de prôner puis d'améliorer ça. On en a fait une priorité. Puis je pense que aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est dans une meilleure position. Il y a encore du chemin à faire. Faut pas se mettre la tête sous le sable, mais tu sais, on est dans un meilleur endroit qu'on n'a jamais été. Alors c'est de bon augure pour le futur, mais il faut continuer à militer puis à éduquer les gens. OK. Dernière question. Je t'ai entendu à la même entrevue que je t'ai écouté avec Paul Arcand la semaine passée dire, puis ça, je trouvais ça génial comme idée, que les Jeux paralympiques devraient être avant les Jeux olympiques. Je Oui, trouve oui. ça génial. Je trouvais ça, tu sais, que ça pourrait être. Que les Jeux paralympiques, normalement, c'est 15 jours après. Les gens sont blasés des Jeux olympiques. C'est normal, là, mais avant, ce serait vraiment une bonne idée, là. Je trouve ça génial. Ouais, Ça fait avancer le mouvement de beaucoup, je pense. Pourtant, c'est la même affaire. Est-ce que le mouvement olympique est d'accord avec ça? non, ça va prendre beaucoup de temps. Ah C'est oui? une excellente OK. idée. C'est pas d'hier qu'on y réfléchit, mais c'est bon. Il y a Pourquoi qu'ils veulent tellement pas? Pourquoi qu'ils veulent de pas? C'est conservateur? C'est quoi? possibilités. C'est toutes les réseaux de télévision qui prédominent. Le sport, c'est une question d'argent. C'est une ouverture sur le monde, donc la cérémonie d'ouverture en amont pour les Jeux paralympiques, ils ont peur que les codes d'écoute pour les Jeux olympiques soient affectés. Alors c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui les codes d'écoute, c'est ce qui compte pour le plus pour les Jeux olympiques. Les gens à la maison, on s'en rend pas compte, mais c'est rien qu'une machine à imprimer de l'argent. Alors si ça c'est un enjeu, ben c'est difficile de convaincre les hauts dirigeants du Comité international olympique à faire à évoluer puis à faire le pont en mettant les Jeux paralympiques avant. Mais ça serait effectivement un bon positionnement pour les sports paralympiques. Est-ce que c'est prêt à arriver à court terme? Non, mais je pense que c'est certainement quelque chose qu'on peut essayer de changer à l'avenir. Ben, t'avais juste 10 minutes, Benoît. Félicitations, ta belle carrière. Je trouve ça Hey, bien gentil, merci Danny. Plate. Nous, on a un ici qui vit à Québec maintenant, France Gagné. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, ben oui, c'est aux Jeux paralympiques, je pense, on connaît Oui. Canada. Lui, il était non-voyant, puis je trouvais tellement qu'il avait le mérite. Un chic type aussi. Fait que bravo pour ta belle carrière. Puis est-ce que tu vas faire de quelque chose? Est-ce que c'est vraiment là où tu travailles déjà, il n'y a pas de problème, là? J'espère rester impliqué dans le sport. J'ai pas un emploi précis, mais je vais continuer à m'amuser et à m'impliquer dans différentes Ah. initiatives, différents programmes par OK. rapport au sport. OK. Ben, merci beaucoup, Benoît, pour sa part. Un autre tantôt. Hey, merci beaucoup. Merci Benoît Dani. Bye bye. Huot, la tête paralympique, a annoncé sa retraite la semaine dernière.